À tout le dispositif BRI, la voiture qu'on a balisée arrive. Julien de Sabry, je te confirme. Je viens de voir passer la caisse. Quatre individus cagoulés dedans. Franck de Julien, tiens-toi prêt, ça arrive sur toi. Hein, et tu me confirmes la présence de Niax. C'est reçu 5 sur 5. Trois individus armés viennent de sortir de la caisse. Je confirme sa présence. Julien de Sabry, j'ai les mecs en flag. Ils sont en train d'arracher le dame. Allez, ok, les mecs, t'en fais ta place. Police, bouge pas, police, les mecs, bouge pas, bouge pas, tout droit. J'ai peu de frères, beaucoup d'assos. De ouais. toute façon, là, dans mon grec, j'ai des sauces. Faire des sous, c'est inné, j'suis sous. Suisse demain, j'ai risqué les assises. Si, sinon, on ose, toi, t'oses. J'suis pas rappeur, j'fais pas de partous, moi. J'mets la coulka à la base. Cœur Bresson, il est malade. Les petits se baladent dans la panade. Les bananes chez moi sont banales. Les frères sortent la dalle de canane. Ça commet des drames pour drame. Marche arrière mes gains, pas de mi-temps. Être en tournée serait cool, mais je la fais qu'un tapis. T'es sur l'une somme ta vue. Sur futur, y'a que des tons. Devant cimetière, je médite ton temps. T'es un quatrième étage parce que la juge dit que j'ai un profil inquiétant. On a pu tout sur la détente. Pourtant, voyons nos gueules, y'a que des tendres. On te parle tranquille, est-ce le temps te fera voir. C'est qu'il a un dringuetta. J'prends trop de poids pour faire les dorsaux. Trop pauvre pour pouvoir te faire. Danser une vie sous tension remplie de mon séba. Comprends mes joints corsés, jeunesse passée à faire l'assaut. Comprends que ça m'a mort, je vénère. Suicide en prison, c'est un gros mensonge. Trop de frères tués par des SS. Oublie-moi, je peux pas prendre la paix. Tu sais, comme moi, qui s'y passe, ça paye pas. À part le temps pour tout prendre, j'irai la paix. De toute façon, chaque jour à la mort, je me prie pas. La rue m'a eu, je suis bloqué dans la dounia. Dans la dounia, sa mère, je suis bloqué dans la dounia. La rue m'a fait et va me faire. Parce que me ranger, je veux pas, frère, ça paye pas. Hey, hey. J'suis dans la dounia constamment. Les sous, j'les course d'armes. Conscient que c'est consternant. Mais j'ai faim, j'suis sorti de 5 ans récemment. J'l'ai dit dans testament. Maintenant, j'veux rien savoir. Tout se passe comme prévu, heureusement. Et oui, dounia, j'savoure. C'est pas facile, oser que j'prends salement. Entouré, mais j'suis solo. Seringue, bientôt, j'dirai salam. Mais c'est pas le rap qui me fait graille pour le moment. C'est le haram, de façon, c'est la même. Dieu merci, j'côtoie que des braves. Ils sont 30 en face, mais c'est tous des ML. Trouver une issue dans le rap. Maintenant, faut j'grimper de braquer, ça c'est me. Et de braquer ça c'est me. Millions la retraite à toto. Je m'en branle des blasts qui pèsent. La plupart pour les keufs sont des tontons. La rue c'est pas le tatami. Tes ceintures noires j'ai 3, 5, 7 pitons. Si j'avais un tatami, t'as nous a divisé comme sexe et pico. J'ai fait peu de gaffe mais j'ai saigné le mandat de dépôt. En condition pourtant je bédave. Parce que je prends quiche, t'as dans les blèmes pro. Jeunesse passée à faire l'assaut. Comprends que ça m'a mort, je vénères. Oublie-moi, je peux pas prôner la paix. Tu sais comme moi qui s'y passe, ça paye pas. À part le temps pour tout prendre, j'irai la paix. De toute façon, chaque jour à la mort, je me prie pas. La rue m'a eu, je suis bloqué dans la dounia. Dans la dounia, sa mère, je suis bloqué dans la dounia. Dans la dounia, la rue m'a fait et va me faire. Parce que me ranger, je peux pas, frère, ça paye pas. Moi, je peux pas prendre la paix. Et tu sais comme moi qui s'y bat, ça paye pas. À part le temps pour tout prendre, j'ai rien à perdre. Et de toute façon, chaque jour à la mort, je me prépare.